Saint-Pierre. Grande ville des grands palais d'argent, grande ville des drapeaux dans le vent. Les plaisirs c'est pour les bourgeois, mais la misère c'est pour toi. Je ne veux pas de cet univers, je veux vivre à ma manière. Grande ville, tu es grise, grise et noire. Grande ville, dans tes rues dès le soir. Grande ville, tout est mort et les ombres. Grande ville, rôde dans la nuit sombre. Les plaisirs, c'est pour les bourgeois, mais la misère, c'est pour toi. Je ne veux pas de cet univers, je veux vivre à ma manière. Pas bourgeois. Pas bourgeois. Oh!